Bonjour. Alors, suite et fin du premier chapitre, donc sur les compositeurs aux États-Unis et leurs usages de la folk music, donc de la musique du peuple. On termine avec la réception critique de la Rhapsodie America d'Ernest Bloch. Si America attire beaucoup d'auditeurs et est un succès auprès du public, en partie grâce aux efforts promotionnels du magazine Musical America, dont Bloch a remporté le concours, les compositeurs et critiques musicaux montrent un enthousiasme très limité. Comme pour la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak à la fin des années 1890, l'analyse de la réception critique d'America en 1928 nous donne un éclairage sur les différents points de vue concernant les moyens de créer une musique américaine en employant de la folk music. À l'instar de Dvorak, dont l'origine tchèque était instrumentalisée par ses opposants pour dénier toute américanité à sa symphonie, Bloch subit des attaques concernant ses origines étrangères et surtout son identité juive. En 1931, le compositeur américain Daniel Gregory Mason, dont la soumission au concours avait été égarée par le jury, fait de Bloch sa cible principale dans la virulente attaque contre la musique juive aux États-Unis, qui conclut son essai « Tune in America, a study of our coming musical independence ». Voilà ce qu'il écrit. Ernest Bloch, longtemps le principal officiant de cette intoxication de notre public, a couronné sa conduite envers nous par la sinistre plaisanterie de nous présenter une symphonie longue, brillante, mégalomane et juive de part en part, intitulée « America ». Mason, pourtant, apprécie l'œuvre juive de Bloch. S'il juge America prétentieuse, creuse et vide, ce sont ses termes, c'est que ses critères pour déterminer la valeur artistique d'une composition reposent au moins en partie sur une conception essentialiste et racialiste de la culture. C'est-à-dire que, en tant que compositeur d'identité juive, Bloch serait à même d'écrire de la musique juive de qualité, mais certainement pas de la musique américaine. Cette prise de position vaudra à Mason de fortes accusations d'antisémitisme, dont il tentera de se défendre. Et en effet, son portrait de Félix Mendelssohn en 1907, malgré quelques stéréotypes, lui attribue des valeurs morales et esthétiques à l'opposé de sa description habituelle de la musique juive, tout en fondant les qualités de Mendelssohn dans sa haute tradition culturelle et intellectuelle familiale. En l'occurrence, Mason, héritier de la plus importante dynastie musicale bostonienne, identifie en partie, à juste titre, les nombreux compositeurs juifs new-yorkais, Copland, Gershwin, Sigmeister, comme des animateurs importants des courants musicaux modernes, qui tendent alors à reléguer son école à l'arrière-plan. Mason ne peut concevoir une musique américaine qui ne soit pas anglo-saxonne, idéalement de Nouvelle-Angleterre, mais qu'il accepte d'étendre à un anglo-saxon virginien comme John Powell. Paradoxalement, Mason et Bloch ont des positions assez comparables. L'un et l'autre, tout en reconnaissant l'utilité des folk musics pour construire une musique porteuse d'identité ethnique ou nationale, rejettent sa nécessité et privilégient le tempérament ou l'identité culturelle profonde du compositeur comme source ontologique de l'identité musicale. Le critique David Ewen avancera également en 1940 qu'America est plus juive qu'américaine en raison de l'identité du compositeur. Il écrit « Les Indiens dansent avec des pieds acidiques. Bien que Bloch puisse à l'occasion abandonner la musique hébraïque, il est évident que la musique hébraïque ne l'abandonnera pas. » L'enjeu d'Ewen, grand amateur de l'œuvre de Bloch, est ici opposé, puisqu'il écrit cette appréciation de Bloch dans « The Universal Jewish Encyclopedia, an authoritative and popular presentation of Jews and Judaism since the earliest times ». Un ouvrage qui, au-delà de sa valeur savante incontestable, vise dans le contexte des années 40 à mettre en valeur les contributions juives à la culture mondiale. Ewen ne vise donc pas à dire qu'America n'est pas américaine, au contraire, mais à intégrer la judaïté d'America, issue de l'identité essentielle du compositeur, dans son américanité, issue celle-ci de la volonté du compositeur et de ses sources d'inspiration, et sanctionnée par le prix donc, de la revue Musical America. Les représentants des courants modernistes et ultramodernistes sont très déçus par l'œuvre de Bloch. Le succès d'America a éveillé la suspicion de la jeune génération de compositeurs qui, jusqu'alors, considéraient Bloch comme un représentant de l'approche moderniste. L'historien de la musique, critique et compositeur John Tasker Howard observe en 1929, je le cite, « L'intelligentsia a perdu une partie de son intérêt pour Bloch depuis qu'America a été publié, car il a fait une franche déclaration d'idéalisme qui n'inclut rien de cynisme, rien de cryptique. Un credo qui peut être enseigné en toute sécurité aux écoliers. Son modernisme a été utilisé pour des objectifs respectables. » Surtout, dans son essai de 1933, Trends in American Music, Henry Cowell place Bloch dans le groupe des, je cite Cowell, des Américains qui ne tentent pas de développer des idées ou des matériaux originaux, mais qui prennent ce qu'ils trouvent déjà en Amérique et les adaptent à un style européen. La critique de Cowell à l'encontre de ceux qui, comme Farwell ou Bloch, utilisent des mélodies folk ou populaires en les altérant pour les faire correspondre à un style européen plutôt que de rechercher dans leurs échelles et leurs modes de performance l'inspiration de formes de composition nouvelles, témoigne de la méfiance de beaucoup de compositeurs ultramodernistes vis-à-vis des usages romantiques et néo-romantiques de la folk music. La plupart des membres du Composers Collective, dont on parlera plus tard dans le livre, notamment Charles Seeger, rejetteront de ce fait, au début des années 30, toute idée d'employer de la folk music dans leur quête d'une bonne musique américaine politiquement engagée à destination des masses, avant de s'y rallier, notamment sous l'influence de cette approche plus ethnomusicologique proposée par Henry Cowell. Alors, petite synthèse maintenant sur ce premier chapitre. Entre les années 1890 et 1920, les compositeurs américains partagent à peu près tous la volonté de construire une musique cultivée américaine afin de se distinguer de l'Europe et de participer à construire l'identité nationale des États-Unis. Si beaucoup tentent d'appliquer la méthode européenne en employant de la folk music, ils sont confrontés à la difficulté de choisir, parmi la diversité des populations du pays, un peuple représentant l'américanité. À la fin de cette période, donc à la fin des années 20, il n'y a toujours pas de consensus, alors que les musiciens doivent composer avec les fortes oppositions raciales dans une société qui devient de plus en plus ségrégationniste. L'absence d'une définition unifiée montre que la catégorie de folk music américaine est toujours en cours de construction. Les critères d'authenticité folk ne sont pas non plus uniformisés. La construction d'une musique nationale passe pour certains par la recomposition de morceaux folk dans leur intégralité. Pour d'autres, elle passe par des citations mélodiques décontextualisées, qui suffisent. Alors que pour d'autres encore, c'est avant tout l'origine du compositeur qui fonde le caractère national. Les techniques d'interprétation des musiciens dont proviennent les folk music utilisées ne sont pas prises en compte. Elles ne font pas partie des critères d'authenticité. Défaut qui provoquera les critiques de compositeurs comme Henry Cowell. Ce qui les intéresse, c'est la mélodie et pas la manière dont les musiques sont interprétées, les timbres, les instruments de musique, etc. Pour gérer le paradoxe entre le recours au folk et la valorisation du génie individuel du compositeur savant, l'intervention de ce dernier est systématiquement présentée comme nécessaire, car la folk music brute manquerait de beauté et devrait être raffinée. Donc débarrasser des échelles non tempérées, des bruits et des instabilités d'interprétation et aussi de l'improvisation pour devenir une musique nationale. Les folk music utilisées par les compositeurs sont d'ailleurs déjà manipulées à la base puisque elles sont transcrites et donc subissent les a priori et les projections et le travail de classicisation des transcripteurs. Cette intensification de la quête d'une musique nationale a lieu alors que les États-Unis passent d'une ère de colonisation intérieure à extérieure et que leur politique impérialiste devient plus explicite. La politique internationale a aussi une incidence sur la formation des musiciens, puisque à partir des années 1910, la formation en Europe, qui reste assez systématique, est moins exclusivement tournée vers l'Allemagne, tandis que la France devient un lieu de formation de plus en plus important, avec des pédagogues comme Nadia Boulanger et Vincent Dindy. On reprendra donc dans un prochain épisode avec le deuxième chapitre de l'ouvrage consacré aux premières collectes sur le terrain de musique du peuple, de folk music, aux États-Unis.